Lorsque vous avez effectué les enregistrements en 1975, ils étaient faits sous couvert d'anonymat. Aujourd'hui, notamment pour des questions de diffusion, le traitement documentaire implique une désanonymisation des témoins. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben voilà, ben il y a 40 ans, mais enfin quand même, les familles sont là. C'est pas très personnel, donc en principe, ben je pense qu'il faut quand même consulter les familles. Si ça doit être publié, si c'est une utilisation pour la recherche, n'a pas besoin de nom. Ou alors c'est un historien. À partir du moment où ça devient de l'histoire, il y a 40 ans, c'est intéressant de savoir qui était la personne. De mettre un nom sur ces... D'ailleurs, nous, on avait le nom. Et notre listing, il y a les noms. On a le nom des personnes. Donc, ils peuvent être identifiés. La question, c'est l'utilisation qui va en être faite. Si c'est une utilisation uniquement de recherche, mais si c'est quelqu'un qui, je sais pas, va prendre ça et puis publier une phrase au milieu qui est une représentation... parce qu'il y en a qui s'expriment sur les Libanais d'une manière crue, ou, etc. Donc... là, il y a une espèce de responsabilité sur l'utilisation qui pourrait être faite, au moins tant que, je ne sais pas, les archives, c'est 40 ans, c'est 50 ans, il va y avoir 40 ans, en principe, un temps d'archivage et... Ça tombe dans le public après 70 ans. Après 70 ans, bon. Donc, ouais.